Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Naam. Nous sommes toujours dans la partie qui concerne le déroulement des choses après la mort, Yom al-Qiyam. Et dans le dernier ders, nous avons cité les hadiths concernant la résurrection. D'abord, concernant la mort. Puis, concernant la résurrection. En montrant clairement qu'Allah Azza wa Jal en est tout à fait capable. Et cela lui est facile. Et que cela lui est tout à fait facile. Naam. Excusez-moi. Donc on reprend. Donc là, nous allons poursuivre avec d'autres questions. Biznillah ta'ala. Toujours relative justement à ce sujet de la résurrection et de la vie intermédiaire. Il y a qu'il ma hukm man kazzaba bil ba'th. Quel jugement se rapporte à celui qui démentira justement la résurrection. Yaqul huwa kafirun billahi 'azza wa jalla wa bi kutubihi wa rusulihi. Qala Allahu ta'ala wa qala allazina kafaru ay idha kunna turaba wa aba'una inna la mukhrajun. Donc celui qui dément cette chose-là, qui n'y croit pas, c'est un mécréant. Il mécrant à Allah 'azza wa jalla, en son livre, en ses livres, en ses messagers. Car Allah Azza wa Jal, à travers les livres, l'a dit clairement, et les messagers l'en ont informé. Dans le sens où Allah dit, et ceux qui ont mécru disent, et si jamais nous étions poussière ainsi que nos pères, serions-nous donc remis à la vie? C'est une question dont ils n'attendent pas de réponse. Mais c'est une question en fait, de défi, pour dire est-ce que cela est possible, cela n'est pas possible. Surat An-Naml, les fourmis, verset 77, ou 67, pardon. Wa qala ta'ala, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum, aïza kunna turaban, aïna la fi khalqin jadid, ulaika allazina kafaru bi rabbihim, wa ulaika al-aghlala fi a'naqihim, wa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Et il dit dans le sens, et sera-t-il surpris de leurs paroles, en parlant des koufars, lorsqu'ils disent « Et si nous étions poussière, est-ce que nous allons être remis dans une nouvelle création ?» Ceux-là, ce sont ceux qui ont mécru en leur Seigneur. Ceux-là auront les jougs à leur cou. Et ceux-là sont les gens du feu, ils y seront éternellement. Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 5. Donc le verset, il est clair également que celui qui mécroit en cela, mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seront point ressuscités. Dit oh, que si, par mon Seigneur, vous le saurez et vous serez informés de ce que vous avez œuvré. Et cela est facile pour Allah Azza wa Jal. At-Taghabun, verset 7. Et autres parmi les versets. Les versets sont très nombreux. Mais l'auteur a voulu par là le résumer, donc il a cité que ce qui suffisait. À la base, un seul verset aurait suffi en lui-même pour la question. Naam. Yaqul wa fi as-sahihayn 'an Abi Hurayra radiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Allahu ta'ala, ay hadith kursi, kadhabani ibn Adam wa lam yakun lahu dhalika wa shatamani wa lam yakun lahu dhalika. Dans un hadith kursi rapporté par Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Azza wa Jal dit que le fils d'Adam m'a démenti et cela ne lui revient pas. Et que le fils d'Adam m'a insulté, m'a offensé et cela ne lui revient pas. Faqawluhu Famma takzibuhu iyaya Faqawluhu Lan yu'idani kama bada'ani Walisa awal khalq bi ahwan alayya min i'alati. Il a dit, quant à son démenti à mon sujet, c'est-à-dire ce qu'il a dit, que Allah ne pourra me reconstituer comme il m'a créé de base. Et donc, n'est-ce pas que la première création est encore plus facile que la deuxième à la base ? وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا ونا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. Et quant à son offense envers moi, son insulte, c'est de dire que Allah a un enfant, alors que je suis le seul, l'unique, celui qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré, qui n'a aucun égal. Donc le shahid du hadith, lorsqu'il dit que justement recommencer une chose est plus facile que la débuter. Recommencer une chose, donc la résurrection en réalité est plus facile que créer une chose de base du néant. Car à la base, l'être humain il est là. D'accord ? L'être humain il est là, c'est ce qu'Allah Azzawajal le remettra à la vie. Cela lui est encore plus facile. Mais des gens ne veulent pas y croire. Cela leur paraît impossible. Et comme vous le savez, rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est omnipotent, capable de toute chose. Et combien d'exemples Allah Azzawajal nous donne à travers la création d'une terre fertile qui finit par devenir aride puis qui redevient fertile. Regardez les quatre saisons qui sont le printemps, puis l'été, puis l'automne, puis l'hiver. Regardez la création, comment elle se métamorphose. En hiver, la végétation finit par mourir. Et au printemps, elle commence par fleurir. Et ainsi de suite. Cela se fait par étapes. Et cela est devant nos yeux. Tout cela sont des signes pour nous. D'accord ? Des signes pour nous. Nous montrons que Allah Azawajal peut arrêter une création et la faire revenir. Comme elle était. Et peut-être même mieux encore, s'il le veut. Yaqul fi su'al athani ashar ba'd al-mi'a. 112e question. ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه. Donc il dit c'est quoi la preuve du souffle dans la trompe qui auront lieu et combien sont-elles. Et cette trompe, comme vous le savez, c'est Israfil, l'ange nommé Israfil qui s'en charge. On en avait parlé auparavant, qui est celui qui est chargé de souffler dans la trompe. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dans ce sens où Allah dit, il sera soufflé dans la trompe et seront foudroyés, c'est-à-dire tomberont tout ce qu'il y a dans les cieux dans la terre, sauf ce que Allah aura voulu. Puis il sera soufflé une deuxième fois et les voici debout qui attendent, c'est-à-dire le jugement. Az-Zumar, verset 68. ففي هذه الآية ذكر نفختين الأولى للصاعق والثانية للبعث. Dans cette version, on y voit qu'il y a deux souffles dans la trompe. Le premier pour le foudroiement, tout le monde sera foudroyé et s'effondrera. Et la deuxième soufflement plutôt, le deuxième souffle dans la trompe, c'est pour la résurrection. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين. Et lorsqu'il sera soufflé dans la trompe, là il écrit « Fafouzira ». À la base, « Fouzira », c'est le fait d'être effrayé. Mais il y a un tafsir qui est venu, comme l'auteur va le citer, Inch'Allah. Donc seront terrifiés tous ceux qui sont sur la terre et dans les cieux, hormis ceux que Allah aura voulu. Et tous lui viendront soumis. Les abeilles, verset 87. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعيق فهي النفخة الأولى المذكورة في الآية الزمر. Donc ceux qui ont interprété justement al-faza là dans ce verset là comme étant justement le foudroiement et non pas la terreur, le foudroiement et l'effondrement, alors eux sont d'avis qu'il y aura seulement deux souffles dans la trompe. D'accord, comme dans le verset qu'on a cité au tout début dans sourate az-Zumar. ومن فسر الفزع بدون السائق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين. Par contre, il y en a d'autres qui ont laissé ce verset selon l'apparent, car l'autre version ou le foudroiement, ou plutôt le faza' revient au foudroiement, cela est appuyé par d'autres preuves. D'accord ? Ce n'est pas une simple interprétation comme ça. Il y a d'autres hadiths qui le confirment. Et d'autres voient que le verset reste tel qu'il est, et qu'il ne s'agit pas du foudroiement, mais d'une terreur. Et eux, ils voient qu'il y aura en fait trois souffles dans la trompe. Un pour terroriser, un pour foudroyer, et un pour ressusciter. Donc c'est une question de divergence par rapport à ça. Et cela revient à l'interprétation par rapport au verset. Donc à bien retenir que là-dessus, il y a une divergence par rapport au verset, comment il est interprété. Est-ce que cette terreur est en elle-même une terreur, donc un souffle à part, ou alors est-ce qu'elle est interprétée comme étant le foudroiement? D'accord, c'est une divergence qui existe. Certains disent qu'il y a deux souffles, et d'autres disent qu'il y a trois souffles. Mais en réalité, cela revient juste à une chose apparente, mais le résultat final est le même. D'accord? Le résultat final est le même. يقول في السؤال الثالث عشر بعد المئة 113e question. 113e question. كيف صفة الحشر من الكتاب? Donc maintenant, comment est-ce que ce rassemblement était décrit par le livre? Le rassemblement qui a lieu justement après, lorsque les gens sortiront de leur tombe. Quand ils seront rassemblés pour être jugés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. في صفاته آيات كثيرة. Donc il y a beaucoup de versets qui en parlent. منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. Dans le sens où Allah dit, et vous nous viendrez individuellement comme nous vous avons créé la première fois. Les bestiaux, verset 94. وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Et nous les rassemblerons et nous ne délaisserons personne. C'est-à-dire tous y seront ramenés. Al-Kahf, la Kabir, verset 47. وقوله تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. Dans le sens où Allah dit, le jour où nous rassemblerons tous les gens pieux vers Allah en groupe et que nous guiderons les criminels vers le feu un par un, les uns à la suite des autres. Sourate Maryam, versets 85 et 86. وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الآيات وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Dans ce sens où Allah dit, et ce jour-là, ils suivront l'appeleur. L'appeleur, c'est lui qui appellera tous les gens. Ils entendront sans tortuosité, la voix sera claire. Lorsqu'il y aura une voix qui appellera tous les gens pour les diriger. Tout le monde entendra, ils seront guidés. Dans le sens, ils sauront vers où se diriger. Et que toutes les voix, tout le monde sera humilié, tout le monde se taira. Et on n'entendra seulement que des gémissements. Que des gémissements. Et pourtant, les gens seront tous rassemblés. Malgré cela, dans la terreur et sous le contrôle d'Allah Azzawajal, personne ne parlera. وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم. Dans le sens où Allah dit, celui que Allah guide, alors c'est lui qui est le bien guidé, et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider, il n'aura pas d'allié en dehors de lui, et nous le rassemblerons le jour de la résurrection sur leur visage. Allahu Akbar, que Allah Azza wa Jal traînera les koufars sur leur visage. Tout comme aujourd'hui, on marche sur nos deux jambes pour se déplacer, Allah Azza wa Jal fera que les koufars seront traînés sur leur visage pour être rassemblés vers lui. Al-Isra, voyage nocturne, verset 97. Wa yaqul fi su'al arabi' ashar ba'd al-mi'a, 114e question. Kayfa sifatuhu min as-sunnah? Donc maintenant, il dit la même question. Après qu'on ait pris comment cela aura lieu par le livre, comment cela aura-t-il lieu à travers la sunna, des hadiths qui en parlent. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, dans un hadith de Anas ibn Malik, il fut interrogé à propos des gens qui seront traînés sur le visage. Comment cela est-ce possible? Faqal, alaysa allazi أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. N'est-ce pas celui qui a fait marcher les gens sur leurs deux jambes dans cette dunya, capable de les faire marcher, enfin dire marcher, de les faire se déplacer sur leur visage, يوم القيامة. Et ce hadith, il est muttafaqun alayh. C'est-à-dire que même les sahabas ont été surpris de cela. C'est une chose qui est surprenante de base chez l'homme. Quoi qu'il en soit, c'est une chose qui est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala innakum muhsharuna huffat ghurra ghuzla kama qala ta'ala kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Et vous serez certes rassemblés en étant nus et pieds nus et incirconcis. Dans le sens où aller dans le Coran, comme nous avons créé la première fois, nous vous ferons revenir. C'est-à-dire de base, l'homme, quand il vient au monde, il est incirconcis. D'ailleurs, il y a des hadiths qui citent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam serait né circoncis. Ces hadiths ne sont pas authentiques. Il n'y a rien qui le prouve. Là, c'est une parenthèse. Et de base, l'homme naît incirconcis. D'accord ? Donc de là, Allah Azza wa Jalla nous fera ressusciter en redevenant incirconcis, comme nous avons été créés de base. Yaqul wa inna awwal al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamah Ibrahim, et que le premier qui sera revêtu ce jour-là sera Ibrahim alayhi salam. Le premier qui aura droit d'avoir des vêtements sur lui pour cacher sa nudité sera Ibrahim. Subhanallah. Ala min fadailihi. Wa qalat Aisha radhiyallahu anha يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمه ذلك. Et Aïcha, lorsqu'on a entendu que tout le monde sera rassemblé en étant nu, regardé par la pudeur qu'elle a, elle a dit, les hommes et les femmes se regardant les uns les autres, et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, oh Aïcha, la chose sera plus terrible que cela. Ils n'auront même pas ça en tête que de se regarder, tellement ils sont terrifiés parce qu'il les attend. Cela sera insignifiant pour eux d'être nus et d'avoir une femme à côté d'eux. Ça, c'est fini, ça, c'est les charawats, ça, c'est que dans ce bas monde. Ce jour-là sera tellement un jour terrible que les gens ne se préoccuperont pas de cela. De regarder les autres, comment est-ce qu'ils sont nus, comment est-ce qu'ils sont. Non. Soma yakul fi souel al hamis achar badalmiya. 115e question. Qu'alata tayyib. Kifa sifat el mouqif min el kitab. Donc maintenant, c'est comment aura lieu justement cette station d'attente dans le livre. D'accord ? Comment est-ce qu'elle aura lieu ? Parce que les gens seront debout à attendre. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. Dans le sens où Allah dit, et ne pense pas que Allah est inattentif à ce que font les injustes. Et juste, il ne fait que leur donner un délai, jusqu'au jour où leur regard sera baissé. Ils courront en suppliant, en levant la tête, et les yeux hagards, et les yeux et les cœurs vides. Les mécréants viendront de cette façon-là. Ils seront complètement perdus. Le cœur sera vide, et les yeux hagards, c'est-à-dire des yeux comme des yeux qui sont dénués de toute existence, de toute vie. Des yeux vides également, comme le cœur. Surat Ibrahim, versets 42 et 43. Wa qala ta'ala, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Justement, le jour où le souffle ainsi que les anges seront en rang, nul ne parlera hormis à qui Allah a redonné la permission. Ils ne diront que la vérité, c'est-à-dire diront que ce qui s'est passé en ce bas monde. Aucune parole n'émanera de l'homme, si ce n'est ce qu'il a commis en cette dunya. An-Naba, la formation, verset 38. وقال تعالى وانذرهم يوم الأزلفة إذ القلوب لدى الحناجر كالظميم. نعيد الآية وانذرهم يوم الأزلفة إذ القلوب لدى الحناجر كالظميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Il a dit avertis-le du jour qui se rapproche où les cœurs atteindront justement les gorges. Les cœurs de la peur vont remonter jusqu'à la gorge. Et que les injustes n'auront point d'amis ni d'intercesseurs qui seront écoutés. Ils seront seuls. Personne pour les soutenir. Ghafir Créateur, verset 18. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة lors d'un jour dont la durée sera de 50,000 ans. Ce jour-là durera 50,000 ans. Essayez de réaliser la longueur de ce jour-là. Al-Ma'arij, verset 4. وقال تعالى سنفلوه لكم أيها الثقلان الآية وغير ذلك كثير. Combien de versets parlent de ce jour-là? Et ce jour-là, on est trop inattentif. Si vraiment on en prenait conscience, croyez-moi que du jour au matin, on serait une droiture exemplaire. Pas la moindre erreur. Cependant, Allah nous a créé comme ça, inattentif. On oublie. On pense à autre chose. Sans quoi, celui qui prend le Coran avec lui, constamment, toujours qu'il le relie, le révise, le mémorise, il se rappelle de cela. Il s'en rappelle. Mais celui qui en est loin, il oublie, fait sa vie, et t'arrives même à trouver des musulmans qui se mettent à douter de ce jour-là. Il dit, mais c'est pas possible. Comment ceci? Comment cela? Quand il doute de cela. Et celui qui en arrive à démentir, car tout démenti commence par un doute, pour celui qui croit. Ça commence d'abord par un doute, des ambiguïtés, pose des questions, des wasawis de shaitan, jusqu'au jour où il arrive à ne plus y croire. Il dit, j'y crois pas à ça, en fait. Et vous savez, parmi les éléments qui font que les gens n'y croient plus également, c'est tout ce qu'ils regardent comme films de science-fiction et autres. D'accord? Ce genre de choses font qu'ils n'y croient plus après. Tout cela y joue. Les choses qu'on leur met devant les yeux, qui sont liées à la fiction, amènent à ce que les choses qui soient réelles, ils n'y croient plus. Donc il faut délaisser ces choses futiles et inutiles, même muharrama, et se concentrer sur le Coran, et sur les ahadis, sur la révélation. يقول كيف صفة الموقف من السنة donc maintenant la même question comment cette station on dira comme cela aura lieu dans la سنة فيها أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه dans le sens où Allah dit le jour où les gens se tiendront debout pour le Seigneur des mondes, pour le jugement, Surat al-Mutaffifin, les fraudeurs, verset 6. Il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que l'un d'entre vous se lèvera et sa sueur atteindra la moitié de ses oreilles. Tellement il va suer qu'il sera submergé par sa sueur. Elle en arrivera à la moitié de ses oreilles. Après, les gens ne sont pas égaux. Certains sera à leurs pieds, certains à leurs mollets, certains à leurs cuisses, certains ainsi de suite. Wa fi hadith Abi Hurayra radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ya'ruku an-nas yawm al-qiyamati hatta yadhhab 'araquhum ila fi al-ard 70 zira'a yaljamuhum hatta yablu adhanahum. Muttafaqun alayhi. Que les gens transpireront tellement le jour de la résurrection que certains d'entre eux leur sueur atteindra 70 ans sur terre et les submergera à en arriver à leurs oreilles. Réalisez un petit peu cette sueur, tellement elle sera intense et en quantité qu'elle arrivera à submerger une personne, c'est-à-dire la sueur de chacun, c'est pas la sueur de tout le monde. Chacun, sa sueur, en arrivera à le submerger en arrivant à ses oreilles. Quand je dis chacun, c'est en fait un homme en lui-même. Après, les gens seront différents. Ce jour-là, ils seront de des preuves différentes, certains seront moins que d'autres. Non. Et tous ces hadiths, tous ces versets, on en a besoin pour se rappeler. Tout cela est un rappel pour chacun. De ne pas oublier ce jour, ce moment auquel nul n'échappera, mais dont nous devons préparer justement l'affrontement dès maintenant. Plus les œuvres seront bonnes dans ce bas monde, basées sur la sincérité, sur le tawhid et la sunna, et plus les affres de ce jour-là seront minimisées, bien qu'il y en aura quand même. Et plus on sera éloigné en ce bas monde, et plus on subira les affres de ce jour. Donc dès maintenant, il faut se préparer. Dès maintenant, ces ahadiths, ces versets, sont des avertissements, des informations, et un savoir auquel on doit s'accrocher fermement et y croire. Naam, et mourir dessus. فنكتفي بهذا القدر. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.